بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة. دعوة السلفية باليمن تقدم لكم لأحبش أبي بي أسوشيون دو بروجي دو بيانفوزون إسلاميك فأبو تيمية خليل المعتنيكي حفظه الله تعالى. بخمير بارتي. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد. Aïe Ali Khoa. Juste une remarque avant de commencer concernant cette rencontre, qu'à la finale elle sera étalée sur deux audios, Inch'Allah, car le temps qui m'a été accordé ne suffira pas pour évoquer tous les points par rapport à cette secte qui sont les Ahbesh, la PBIF. Donc Inch'Allah, première partie qui sera aujourd'hui, et la prochaine, Bismillah, dimanche prochain, et l'heure sera annoncée sur le site. Naam. Famine Hunan Abda. فيقول الله سبحانه وتعالى وإن هدى صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qui vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. والإمام أحمد رحمه الله تعالى a apporté selon Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه أنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما وخط على يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليها الشيطان يدعو إليه ثم قرأ هذه الآية. Donc l'imam Ahmed a rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم traça une ligne de sa main en disant qu'il s'agit là de la voie d'Allah, le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, droit. Ensuite, il fit des lignes adjacentes sur les côtés, de la droite à la gauche, en disant, voici les sentiers de Shaitan. À chacun de ces sentiers adjacents, il y a un Shaitan qui appelle à lui-même. Ensuite, il récita le verset cité précédemment. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadhalika nufassilu al-ayat wal tastabina sabil al-mujrimin. C'est ainsi que nous détaillons les versets afin qu'apparaisse clairement le chemin des criminels. Wa qala ibn Kathir rahmatullah alayh ay allati tahtaju al-mukhatabuna ila bayanha ay li tuzir tariq al-mujrimin al-mukhalifin lir-rusul. Ibn Kathir dans le tafsir de ce verset qu'il est dit, c'est-à-dire qu'il démontre ce que l'interlocuteur a besoin de savoir, d'être éclairci, afin qu'apparaisse la voix des criminels, des malfaiteurs, ceux qui s'opposent aux messagers. De là apparaît le devoir de chaque muslim, en guise de conseil pour la Ummah, de mettre en garde contre les groupes déviés. Pour ne pas s'imaginer que toute personne ayant déclaré les deux attestations soit sur la voie droite et une bonne compréhension de la religion. Tout particulièrement dans les pays comme la France, où les gens de science réels y sont absents. Afin d'éclaircir les muslimines, car les lieux dénués de savants ou de prédicateurs, avertisseurs, conseillers, aptes pour cette tâche, sont les terrains de chasse préférés des gens des passions et de l'innovation. Comme cela a été rapporté de certains salafs, que l'innovateur, le Mubtadir, est à l'exemple du scorpion enfoui sous la terre, laissant dépasser sa queue et attendant la moindre opportunité pour pouvoir piquer le son dard. Et étant donné que dans ces pays-là, il n'y a pas vraiment de personnes présentes afin d'éclaircir le mal de ces gens. Donc eux, ils saisissent l'occasion. Et parmi les grands égarés de ce siècle, il y a le dénommé Abdullah al-Harari ibn Muhammad al-Habashi, qui mit naissance à une secte immonde, qui sont les Arbèches, qui sont bien connus en France et partout. Arbèche, c'est une forme de pluriel de Habashi, hein, les Éthiopiens, en quelque sorte. Naam. Secte qui vit le jour au Liban. Profitant de ce que les guerres civiles engendrèrent comme ignorance et pauvreté, laissant place aux prêches de la philosophie, la soufia, du soufisme, du bâtinisme, et en vue de corrompre le dogme islamique authentique et de diviser les rangs des musulmans. Naam. Cet homme, Abdullah al-Habashi, issu de la tribu de Shayban dans la ville de Harar, où il débuta ses études, apprit la langue arabe et le fiqh Shafiri, sur le mazhab Shafiri, puis se déplaça en d'autres contrées et commença à faire apparaître ses déviances en s'affiliant à la doctrine des Tijani, d'autres doctrines égarées, pour finalement se rendre en Syrie, puis au Liban, où il sema les fitnas contre les musulmans en cédant des gouvernements, à tel point qu'il en fut surnommé par certains Al-Fattan ou Sheikhou Al-Fitna, le Fattan, le semeur de troubles, ou le Shir de la fitna. Il y instaura son dogme corrompu de shirk et de madhab, c'est-à-dire le ta'assoub pour les madhab, des Mu'tazila, des Jahmiya, des Batini, sans compter ses nombreuses fatwas marginales contraires au livre et à la sunna. Il finit par éprouver et égarer un grand nombre de jeunes, s'étant fanatisé pour lui. Ces derniers font sortir de l'islam tout musulman n'adhérant pas à l'idéologie de leur shir, qui sont bien nombreux. Naam. Parmi les égarements de cet homme, au niveau du dogme de la aqidah, qu'il autorise la vocation de faire dua lil amwat, d'invoquer les morts, hein, et de rechercher de l'aide, du secours et du refuge auprès d'eux, c'est-à-dire l'istirana, ou l'istirada, ou l'istirafa, bil amwat. Wa yaqulullah subhanahu wa ta'ala, ala lillah al-dinu khalis, wal-lazina attakhazu min dunihi awliya' ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Dans le sens où il dit, c'est à Allah qu'appartient la religion pure, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors d'Allah, en dehors de lui, disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ceux en quoi ils divergent. Et Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat, ou grand mécréant. Et, au point de l'Imen, cet homme, Abdullah al-Habashi, fit mas'alat al-Imen wa murji. C'est un murji. Parmi les roulas, les extrémistes, qui voient que les actes, hein, ne font pas partie intégrante de la foi. Quoi que fasse l'individu comme péché, commette comme acte de désobéissance, ou qu'il délaisse comme acte d'adoration, quand bien même cela ferait partie des piliers de l'islam, à partir du moment où il se prétend croyant que cela n'affecte rien sa foi et qu'il est doté d'une foi complète, hein, al-iman al-kamil. Il est connu que la foi chez al-sunnati wa jama'a, chez les gens de la sunna, réellement, sur le suivi du mazhab des salaf, que c'est i'tiqad bil qalb wa qawl bil lisan wa al-amal bil jawarih, que c'est le fait d'en avoir la croyance dans le cœur, de le prononcer par la langue et d'agir par les actes, par les membres. Naam. Au niveau du Qadar, en ce qui touche au destin, cet homme, Abdullah al-Habashi, fait partie des Jibriya. C'est un Jibri. C'est-à-dire ceux qui disent que le serviteur est contraint et n'a pas de libre choix ni de libre arbitre. Il dit dans son livre, Ad-Dalil al-Qawim, c'est-à-dire Abdullah al-Habashi, en page 94, « La dakhal ma'ashiyati al-abd illa fil kasb ». C'est-à-dire que le serviteur n'a aucune volonté et pas de libre arbitre, mais juste il subit. Également, il dit, Afa'il al-ibad misl amrad allati tusibuhum, que les actes des serviteurs sont tels des maladies qu'ils atteignent. C'est-à-dire qu'il ne, et tient bien d'autres propos, et sur cette masala par rapport à al-mashia, yaqulullah subhanahu wa ta'ala, fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Que celui qui veut qu'il croit, et que celui qu'il veut qu'il mécroit. Wa qala ta'ala, in huwa illa dhikrun lil alamin, liman sha'a minkum an yastaqim, wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah rabbul alamin. où il dit, ceci n'est qu'un rappel pour l'univers, pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, le Seigneur de l'univers. Donc de là, Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé que le serviteur possède une volonté et un libre choix de ses actes, mais que ceci est lié à celle d'Allah, à sa volonté. Et parmi les paroles gravissimes de cet homme, qu'il ait dit, comme cela fut rapporté dans le Mawsu'a, un livre qui compile les sectes contemporaines, en volume 1, page 398, qu'il dit, Abdullah al-Habashi, Zawahir al-Nusus kufrun, an akhaz ayat al-Qur'an ala zahiriya kufrun. Qu'il dit que l'apparent des textes est de la mécréance, que le fait de prendre le côté apparent des versets du Qur'an, cela est de la mécréance. Wal'iyadhu billah. Et de là viendra les conséquences fâcheuses de cette parole qui vont rejeter les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela va venir, inshallah. Il dit également à propos du fait de se prosterner pour une idole, quand il fut interrogé sur cela, que cela, kabira min al-kabair, wa laysa bikuf, que le fait de se prosterner pour une idole, que cela est un grand péché, mais cela n'est pas de la mécréance. Comme cela fut rapporté dans le même livre, cité précédemment. Il dit également dans son livre, Salih al-Bayyan, dans la dernière édition, et dans le magazine Manar al-Huda, إن أشرف العلوم وأعظمها على الإطلاق هو علم الكلام لأن علم الكلام والتوحيد الذي أمر الله به. Qu'il dit que la plus noble des sciences et la plus considérable, la plus grande, c'est la science du kalam, ce qu'on appelle yani la philosophie aujourd'hui. Que cela est la meilleure des sciences dans l'absolu, de façon catégorique. Car il s'agit là du tawhid que Allah nous a ordonné d'accomplir. Vous voyez comment lui, sa conception du tawhid, c'est le kalam. La philosophie, qui est le mazhab de Asha'ira. Il fut rapporté de lui également qu'il porte atteinte aux sahaba, yasubbuhum, qui les insulte. Tout particulièrement Muawiyah, radiallahu anhu, et la mère des croyants, Aïcha, radiallahu anha. Également, il diffame Khalid ibn Walid, et autres, et dit que ceux qui sont sortis contre Ali, radiallahu anhu, sont morts d'une mort pré-islamique. C'est-à-dire, matum maitata jahiliya. Qui sont morts d'une mort pré-islamique. Il met en garde contre le fait également de rendre mécréants ceux qui insultent les Sahaba, tout particulièrement Abu Bakr ou Omar, radiallahu anhuma. Il met en garde contre le fait de rendre mécréants ceux qu'ils insultent, voulant par là défendre qui? Les Rafida. Et cela est cité dans son livre qui est Idhar al-Aqida al-Sunniya, en page 182. Il a de bien nombreux autres égarements et déviations que le temps ne nous permet pas de tout citer. Mais Inch'Allah, peut-être qu'on en parlera dans le prochain audio. Bismillah ta'ala. On ne peut pas non plus tout réfuter, mais ces choses-là sont claires en soi et connues auprès de la plupart d'entre vous. Même cette secte, vous la connaissez tous. Cependant, il s'agit surtout là d'un avertissement pour les frères nouveaux qui ne la connaissent pas, risquant de se faire prendre dans leur filet. Ses suiveurs, l'Arbèche, propagèrent son idéologie, c'est-à-dire d'Abdullah al-Habashi, dans différents pays du monde, et principalement en Europe, ainsi qu'aux États-Unis, pour les causes citées auparavant, c'est-à-dire l'absence de gens de science. En France, cette secte se répand sous couvert d'une association se nommant APBIF, c'est-à-dire Association de Projets de Bienfaisance Islamique de France. Non. En proposant en apparence bon nombre de services et activités au nom de la propagation de l'islam, qui en réalité ne sont que des appâts au bout de l'hameçon pour mieux pêcher les jeunes et les mettre dans leur panier. Ils concentrent tout particulièrement leurs efforts sur les nouveaux convertis et nouveaux repentis par différents procédés. Car ces derniers, comme cela est connu, sont les plus faciles à embrigader dû à leur ignorance et leur profond désir d'apprendre chez quiconque leur ouvre ses portes avec un faux semblant de souplesse et de bon comportement comme eux laissent apparaître. Pour ma part, moi, je les ai connus quand j'habitais isolé à Joinville-le-Pont, dans le 94, Naam. Car je n'avais d'autre lieu pour accomplir la salat en commun que leur centre, que Allah a mis sur mon chemin, soit que je les cherche, ou que je ne recherche auprès d'eux. Je ne les connaissais même pas. J'ai trouvé un centre pour faire la salat, donc j'y étais. Naam. Et moi, je les ai côtoyés d'une durée d'à peu près deux mois. sans pour autant me considérer comme ayant fait partie d'eux, car je n'ai pas adhéré à leurs dogmes en réalité. Pour moi, elles étaient des musulmines comme tous les autres. Je ne me suis pas buté sur leurs idées. J'étais assez ouvert, alhamdoulilah, ce qui m'a permis de pouvoir écouter des gens qui, eux, m'ont mis en garde contre eux. Et de là, leurs égarements me sont apparus clairement et assez rapidement. Alhamdoulilah. Nous allons tenter de démontrer certains de leurs principaux égarements qui sont bien nombreux. En réalité, mon discours sera plus axé sur leurs branches présentes en France, c'est-à-dire la PBIF, du fait qu'ils sont, que ces gens agissent en fonction du lieu où ils se trouvent. Cela est connu, que par exemple les Arbèches qui sont en Habasha, en Éthiopie ou au Liban, sont bien plus virulents que ceux qui sont en France. Du fait que là-bas, ils ont du poids et une certaine autorité, même une influence dans le gouvernement. Alors qu'en France, ils ne sont pas grand-chose. Et cela est connu que les gens des passions, diversifient leurs procédés en fonction du lieu où ils se trouvent et en fonction de leur interlocuteur. Tout comme par exemple les tablirs de France ne sont pas comme ceux du Pakistan. Cela est connu que le shirk dans la secte des tablirs est bien plus apparent chez ceux qui sont au Pakistan. Donc les Arbèches, c'est la même chose. Ceux qui sont en France ne sont pas comme ceux qui sont à l'extérieur, surtout en Habasha, comme nous l'avons dit. Et il se peut même que là, beaucoup d'entre eux qui sont en France ne connaissent même pas les égarements de Abdullah al-Habashi, celui à qui s'apparente. De deux points. Le premier, peut-être du fait que certains d'entre eux, plutôt en fait on va dire, certains le savent, mais le dissimulent, car ses paroles sont très graves, et cela serait une fardiha, un dévoilement pour lui. Et l'autre catégorie, sont ceux qui ne savent pas. On leur laisse croire que cet homme-là est un ascète, un dévot, un savant, ainsi de suite. Ils ne connaissent même pas ses paroles. Donc les suiveurs, on va dire, la secte des Arbèches, ne sont pas tous de même niveau. Tout d'abord, en ce qui concerne leur procédé pour attirer les jeunes, ils ont leur fameuse vente de calendrier, cela est connu dans les rues. Ils envoient même des femmes habillées de façon non légiférée pour courtiser les frères dans la rue et discuter avec eux sans aucune gêne. Naam. Et comme nous l'avons dit, un nouveau en islam n'est pas encore armé de cette foi et de cette science lui permettant de voir le mal découlant de ses échanges avec ses femmes. Sauf ceux à qui Allah aura fait miséricorde. Waqalil mahum. Également, ils invitent à participer à leurs rencontres, des tournois de football, des sorties organisées, à des rassemblements, ainsi de suite, dans lesquels ils laissent apparaître une certaine bonne ambiance et fraternité, une bonne entente. En apparence, bien entendu. Par la suite, qu'est-ce qu'ils font? Ils proposent leur cours. Car c'est bien là, évidemment, par ce moyen de base, qu'ils pourront injecter leur poison par la suite. Naam. Déjà, ils t'apprennent en premier à tahara wa salat, la purification et la salat. Et il est connu que parmi les conditions de validité de la salat, sihat al-salat, qu'il y a l'ittijah ila al-qibla, le fait de se diriger vers la qibla. Que cela est une condition de validité de la salat. Et leur qibla à eux, elle est déviée. Elle n'est pas celle qui est connue et qui est répandue dans le monde. Car eux prétendent avoir basé leurs calculs sur les anciennes mosquées présentes en Espagne, car celles-ci étaient présentes à l'époque des salafs. Donc ils disent que celles-ci sont plus précises et plus correctes, et que les autres ne sont pas sur le même degré dans leur qibla, et que si jamais tu accomplis ta salat dans autre que leur centre, ta salat sera bien évidemment invalide, rejetée. Donc de là, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tu as peur. Donc, par là, ils te cloîtrent avec eux et t'empêchent d'aller à droite ou à gauche. Tu restes avec eux. Tu restes avec eux. Et tu ne fais salat que dans la mosquée. Naam. Donc de là débute l'égard, on va dire l'isolement et la mise à l'écart du reste de la communauté. Et également, après cela, tu te dois de savoir qui est Allah. Tu dois apprendre l'aqida, à savoir qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, ils te donnent des cours aussi sur ce sujet-là, ce qui est leur principal cours, bien sûr, avec leur livre qui s'appelle Al-Mukhtasar. Je pense que c'est un livre qui est tiré d'un des livres de leur cheikh, Abdullah al-Habashi. Allah alam, je ne m'en rappelle plus vraiment. Dans lequel, ils te placent leur deuxième injection qui est la plus mortelle. Qui, elle, touche à ta aqida, à ton dogme. Naam. Touchant au nom et attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ce que je me rappelle, je crois qu'ils disent qu'ils ne sont limités qu'à 13. Et en plus, Les 13 qu'ils citent sont interprétés et ne sont pas pris dans leur réalité. Ils insistent très profondément sur le fait de dire que Allah ne ressemble pas à ses créatures. Chose qui est vraie. Mais leur but, à eux, c'est quoi? Kalam ul haq ou les abiyah batil, c'est leur but de cela, c'est de renier les noms et attributs d'Allah. Que tout nom ou attribut se trouvant chez la créature, ils le rejettent et le refusent. Également, par leurs moyens contribuant à t'isoler de la communauté, hein, par peur qu'ils ne soient dévoilés, ils te défendent de lire les traductions, hein, du Coran par exemple, les traductions du sens du verset du Coran, comme moi ça m'est arrivé, une fois je lisais dans mon mushaf, on va dire, et l'un d'entre eux vient et me dit, qu'est-ce que tu lis là? Je lui dis, je lis le tarjama, la traduction du sens approximatif des versets. Il me dit, fais voir, il me prend le livre de mes mains, et de là, il me dit, il ne faut pas lire ce livre. Après, il me prend quoi? Il me montre en guise d'exemple, El Fatiha. Fikoli ta'ala, Relil mardoubi alayhim. Hein? Ceux qui ont couru ta colère. Autre que ceux qui ont couru ta colère. Il me dit, regarde, là, il y a le mot colère. Hein? Le mot colère. Et le mot colère, cela implique que Allah change d'état. Et cela est un défaut, une faiblesse, qui ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala, cela est de la mécréance. De dire qu'Allah se met en colère, cela est de la mécréance. Donc il m'a pris le mot saf, il m'a dit donne, je vais le brûler. Mais entendu, comme j'étais débutant, je ne savais pas, je suis resté, il y a ni bouge épée, je n'ai rien dit. Mais cela m'a surpris. Et également, ils te mettent en garde contre le fait de lire toute traduction du fait qu'ils vont dire que les noms et attributs seront traduits, on va dire, en faisant ressembler à Allah sa créature. Non. Donc, là, en faisant cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'écartent de la principale approche des tentatives de compréhension des paroles d'Allah. Car ils ont aussi un autre procédé, hein, du fait que beaucoup d'entre eux ne sont pas arabophones. On va dire 95% d'entre eux, de ces arbèches, ne sont pas arabophones. Sauf les têtes, peut-être. Et ils emploient quoi? Beaucoup d'écrits en phonétique. Hein, beaucoup de phonétique, pour mieux te brouiller. Qu'est-ce qu'ils font? Pas de français clair, pas d'arabe, juste des lettres latines, comme ça, dont tu ne comprends pas le sens. Et pour couronner le tout, tu as intérêt à bien les prononcer sans quoi? Tu fais du kufr. Si jamais tu prononces mal un mot, tu auras mécru également. Donc c'est sur pression. Le fait que tu prononces mal un mot en phonétique, c'est même pas que tu sais lire encore en arabe, et ben de là, tu peux sortir de l'islam dans ce qu'ils disent. وَيَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Et nous n'avons envoyé de messagers, si ce n'est avec la langue de son peuple, afin qu'il leur éclaircisse. Donc comment expliquer à un non-arabophone novice le sens approximatif des paroles d'Allah, qu'il sache qui est celui qui l'a créé, et pourquoi il l'a créé, et comment appliquer ce pourquoi il a été créé, si on ne l'explique pas dans la langue qu'il comprend. Hein? La traduction peut devenir obligatoire, dans beaucoup de cas. Et au Cheikh Al-Faymin, Rahmatullah Alayhi, dit dans son livre, Usul fi Tafsir, à propos de la traduction du Coran, qu'elle est de deux sortes, c'est-à-dire en résumé. La première, Tarjama Al-Harfiya, c'est traduction de mot à mot, que tu traduises mot à mot dans le même ordre, sans rajout ni suppression. C'est-à-dire que tu prends un verset et chaque mot, tu le traduis comme il est venu à la même place. Et que cela, bien évidemment, est impossible. Car beaucoup de mots arabes n'ont pas leur équivalent dans d'autres langues. Tu es parfois contraint de devoir former une phrase entière juste pour faire comprendre un seul mot d'arabe. Et par exemple pour la place des mots. Dans d'autres langues, certains termes ne trouveraient aucun sens. Et de là, malgré tout, certains savants, eux, voient qu'elle est réalisable avec certains versets seulement, mais qu'elle est illicite, elle est haram, car cela amènerait à quoi? À altérer le sens. Et la deuxième, c'est Tarjama al-Marnawiya, Tafsiriya, c'est-à-dire la traduction du sens faisant office d'exégèse du verset, qui le commente, sans s'arrêter sur le sens de chaque mot, ni dans leur ordre, mais rapporter le verset dans son sens, approximatif, naam. Yani, en titre d'exemple, Kafikoli ta'ala, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طيب تنذير من حكيم حميد. Que le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage digne de louange. À la base, بين يديه, ça veut dire, mot à mot, entre ses deux mains. Et là, dans ce verset, Allah fait allusion à quoi? À son livre, le Coran. Qui bien sûr, le Coran n'a pas de main. Donc cette expression en arabe, cette formule en arabe, « Bena yadei » a pour sens « devant », pour dire « devant ». Hein? Cela est connu. Même dans les hadiths, c'est venu. La tamour benayadei el musalli. Ne passe pas devant celui qui fait la salat. On ne dit pas devant, entre ses deux mains. On dit devant lui. Ça, ce n'est pas un tahrif, ce n'est pas un sens sorti de sa base, mais c'est comme ça que ça veut dire. Donc là, on ne peut pas traduire, par exemple, le Coran entre ses deux mains. On va dire quoi? Devant. Non. Et comme le fait de traduire la ilaha illallah, on ne peut pas traduire mot à mot, car ça donnerait pas de divinité sauf Allah. Et cela contredit le fait que Allah ait affirmé dans son livre la présence d'autres divinités. Seulement celles-ci ne méritent pas d'être adorées. Et le sous-entendu c'est quoi? La ma'boud bihaq, la ma'boud bihaq illallah. Hein? Pas de divinité digne d'être adorée, ce n'est Allah. Donc on ne peut pas traduire de mot à mot toute chose. Donc pour dire que cette traduction de sens approximatif peut devenir obligatoire dans la langue d'un peuple n'ayant pas accès à la compréhension de la langue arabe. Mais que le traducteur, lui, doit, bien sûr, remplir certaines conditions. Ça, c'est un autre sujet. Toujours par ce procédé, hein, il tente de dissuader de lire par toi-même dans les livres ou d'écouter des cassettes avec leur philosophie qui est qu'on ne devient pas médecin en lisant des livres. Hein, voilà ce qu'ils disent. Ou pareil, si tu écoutes des cassettes, ils t'imposent de ne prendre de ta religion qu'avec un professeur. Et bien entendu, ils visent par là un des leurs. Hein. C'est pas tout professeur, c'est un des leurs seulement. Ils t'empêchent d'entreprendre toute recherche personnelle, n'ont pas envie de te conseiller, mais pour que tu restes cloîtré chez eux, tu ne lis rien, tu ne parles avec personne, tu n'écoutes rien, tu te contentes de venir dans leur centre pour apprendre et rendre mécréants ceux qui ne sont pas sur leur voie. Voilà leur manhaj, en quelque sorte. Ils le disent clairement, hein, qu'aujourd'hui la masse des gens de l'islam sont presque tous sortis de l'islam, du fait qu'ils imputent à Allah des attributs de ses créatures, et qu'il faut ressembler à Allah, sa créature. Ils combattent la vraie aqida, celle des salafs, que le muslim croit en Allah et dit à propos de lui-même dans son livre, ainsi que ce qui fut rapporté authentiquement par la voix de ses messagers, à propos de ses plus beaux noms et attributs, sans suppression, sans suppression, ce qu'on appelle le tartil, sans fausse interprétation, sans tendu, sans apparence, ce qu'on appelle tahrif, et sans chercher à représenter ou à comparer ce qu'on appelle tamsil ou tashbih. Et sans chercher à comprendre le comment, ce qu'on appelle takif. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Ce verset est la base de la véritable croyance des gens de la sunna, auquel ces arbash tentent de faire croire qu'ils s'apparentent. Ils en sont bien loin. Tel est le dogme à avoir quant au nom et attribut d'Allah, qui est la troisième branche du tawhid, le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et attributs. Et comment l'unifier dans ses noms et attributs si on ne le reconnaît pas? Cela implique qu'il faut les affirmer, les reconnaître dans leur réalité. Donc le sens, donc ce verset affirme de lui-même que rien ne lui ressemble. Allah subhanahu wa ta'ala dit bien que rien ne lui ressemble. Donc la première partie du verset, laysa kamithlihi shay, c'est une réfutation pour les mujassima, ce qu'on appelle anthropomorphistes. Hein, ceux qui font, qui donnent à Allah une apparence humaine à sa créature, pleinement. Comme, par exemple, les chrétiens, ou même les rafidas. Et également les mumassilas. Les mumassilas, c'est ceux qui tentent de donner une forme à Allah. Hein. Quand on leur dit qu'Allah a telle et telle attribut, ils tentent de lui donner une forme. Et cela en comparant avec sa créature. Un âme. Également, c'est un rôle sur les mukayyifas. Les mukayyifas, c'est ceux qui donnent, cherchent un comment. Hein, un comment aux attributs d'Allah. Wa ta'ala ama yasifun. Et l'autre partie du verset, Wawa Samir al-Basir, hein, c'est lui l'audient et le clairvoyant, cela réfute El Mu'abtila, ceux qui suppriment et rejettent ses attributs, comme les Jahmiya, ou al Muharrifa, ou al Mu'tazila et autres, qui tentent, et les Asha'ira qui tentent d'interpréter le sens de ses noms et attributs. Car Allah s'est attribué dans ce verset pour lui-même l'ouïe et la vue. Hein, l'ouïe et la vue. L'audient implique l'ouïe. Et le clairvoyant implique la vue. Cependant, il dit, rien n'est comme lui. Donc on accepte la chose telle qu'elle est venue, on s'y soumet, on ne cherche pas à savoir le comment. Donc là, tu te retrouves entre deux extrêmes, dont la vraie voie est celle du juste milieu, celle des salafs, des pieux prédécesseurs de cette communauté, celle des gens de la sunna, du salafi actuellement. Certains, pour fuir l'un des extrêmes, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils tombent dans le deuxième. Hein, à l'exemple d'une personne qui marchait entre deux précipices, par peur de tomber dans l'un d'entre eux, il l'évite, il s'éloigne, il tombe dans le deuxième. Ben toi, tu restes au milieu des deux. Hein, et cela, en suivant les textes tels qu'ils viennent, en le en tentant de les comprendre comme ils ont compris les premiers. Naam. Sans interpréter, sans annuler, sans chercher à comprendre comment. Voyez. Et les Arbesh, eux, refaitent le fait de dire que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, a une main, car cela le fait ressembler à sa créature. Ou il qualifie de mécréants ceux qui voient que Allah a une main. Là, dans le Coran, يقول الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. Que les juifs disent la main d'Allah est fermée, que leur propre main soit maudite, soit fermée, et maudit soit-il pour l'avoir dit. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes. Donc Allah là affirme quoi? Qu'il a deux mains. Même les juifs l'ont dit, mais eux ils ne veulent pas le dire, eux ils le refusent. وقال تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. Allah dit au Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé, hein, de mes deux mains. Donc là Allah subhanahu wa ta'ala affirme encore qu'il y a deux mains, et les preuves sont nombreuses, comme ce qu'a rapporté l'imam Bukhari selon Abu Hurayra radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le fameux hadith de la shafa'a yom al-qiyamah, le jour de la résurrection, lorsque les gens chercheront l'intercession auprès des prophètes, et que chacun les renverra auprès de l'un de leurs congénères. Hein? Par excuse du fait qu'ils ont commis des fautes, certains d'entre eux, et se voient comme étant fautifs, et craignent la colère d'Allah. Et le premier d'entre eux, vers qui ils se tourneront, c'est Adam, alayhi salam. Et ils diront, أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَّا مَا يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَيَكُولُوا بَعْدَ النَّاسِ أَبُوكُمْ آدَمْ فَيَتُونَهُ فَيَكُولُونَ يَا آدَمْ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرْ خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وامر الملائكة فسجدوا لك واسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا. Donc ils diront, dans le sens du hadith, trouvez donc qui pourra intercéder pour nous auprès de votre Seigneur, ou pour vous auprès de votre Seigneur. Et certains d'entre eux diront Adam, hein, votre père Adam. Donc ils se rendront auprès d'Adam et lui diront, oh Adam, tu es le père des humains. Allah t'a créé de sa main. Hada wa shahid. Allah t'a créé de sa main. Et insufflé en toi le souffle de vie. Et a ordonné aux anges de se prosterner pour toi et t'a fait habiter dans son paradis. Ne vois-tu pas intercéder pour nous auprès de ton Seigneur? Ne vois-tu pas dans quoi nous sommes nous et ce que nous a atteint? Donc là dans ce hadith, on voit bien que Allah subhanahu wa ta'ala a une main par laquelle il a créé Adam, alayhi salam. Et également, il fut rapporté de nombreuses fois, dans de nombreux hadiths, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de jurer en disant « Wallahi nafsi biyadi » par celui dont mon âme est entre ses mains. Eux, ils vont te dire « Non, Allah n'a pas de main. » Que cela est de la mécréance. Wal'iyadhu billah. En arabe, « main », ça se dit « yad ». Et ces versets, ces hadiths sont clairs. Mais comme leur shir l'a dit, que le fait de prendre les textes en apparence, cela est de la mécréance. Voici une de leurs règles. Disparément, que Allah ne parle pas, que sa parole n'est pas une voix qui s'entend, ni des mots prononcés, qu'il ne s'agit que d'une inspiration divine, interne, qui ne s'entend pas, mais qui se ressent. Donc, Allah Ta'ala, wa kallama Allahu Musa taklima. Et Allah a parlé à Moussa de vive voix. Hein, taklima, c'est un mafoul mutlaq. Lorsqu'il vient après le verbe concerné, cela affirme l'action en elle-même, réellement. Donc là, cela est traduit dans le sens que Allah a parlé de Moussa de vive voix. Également, l'imam Bukhari, rahmatullah alayhi, a rapporté de Al-Adi ibn al-Hatim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. Qu'il est dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'il n'est pas l'un d'entre vous que Allah ne parlera pas le jour de la résurrection, hein, de façon claire, et qu'il n'y aura aucun interprète entre lui et eux. C'est-à-dire sa parole sera comprise clairement. Pas besoin d'interprète ou quoi que ce soit. Une parole claire. Oui, kallama, en arabe, ça veut dire parler. Hein, kallama, ça veut dire parler. Ils disent également qu'Allah existe en endroit. Et combien de preuves affirment le contraire? Hein, elles sont bien nombreuses. Parmi elles, la parole d'Allah, Inna rabbakumullah, alladhi khalaqa as-samawati wal ard, fi sittati ayyam, thumma istawa 'ala al-'arsh. Certes, votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis, s'est établi, la distiwa, sur le trône. Hein, également, Ar-Rahmanu, Arrash istawa. Le tout miséricordieux s'est établi, c'est-à-dire istiwa, sur le trône. Et l'imam Bukhari rapporte de Abu Huraira, radiallahu anhu, qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Inna Allah kataba kitaban qabla an yakhluka al-khalq, inna rahmati sabakat ghadabi, fa huwa maktubun indahu fawq al-arsh. Hein? Que Allah a écrit un livre, un écrit, que cela, avant qu'il ne crée la création, bien avant la création, que ma miséricorde a devancé ma colère, et que cela est écrit auprès de lui, hein, au-dessus de l'arche, du trône, hein, au-dessus du trône. Fauk, ça veut dire au-dessus. Ça mène bien à un lieu. Naam. Également le fameux hadith rapporté par Muslim, selon Muawiyah, de la servante. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, إن الله قالت في السماء قال لها من أين من أنا قالت أنت رسول الله فقال فاعتقها فإنها مؤمنة. Ce fameux hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à la servante où est Allah, hein, où est Allah, elle dit aux cieux, car fi yani en langue arabe peut aussi avoir le sens de sûr. Voilà, ça c'est encore un autre sujet inchallah pour pas trop perdre de temps qui sera peut-être évoqué dans le prochain audio. Toujours est-il que Allah, elle dit, est aux cieux. Il lui dit, qui je suis? Elle dit, le messager d'Allah. Donc il dit, à Moria, libère-la, car elle est une croyante. Hein? Et cela est une chose qu'on inculque à nos enfants, dès leur jeune âge. Où est Allah? L'une des premières questions qu'on leur pose, qu'on leur enseigne. Où est Allah? Qu'ils disent, Allah, Allah fils sa main. Un grand point de distinction entre les gens de l'aqida sahiha, de la vraie croyance, et des gens du baratil, des gens du faux. Et également on dit, naam. Également on dit, Et l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, lui, a rapporté plus de 1000 dalils démontrant que Allah est au-dessus de sa création. Mais pour Ibn Qayyim, c'est un kafir, c'est un mécréant. Donc ils ne prennent pas sa parole en compte. D'ailleurs, on demande à ces arbèches en quelle direction, s'ils le font, tournent-ils leurs mains lors de leur doa? Vers le sol? Vers la droite? Vers la gauche? Ou vers le ciel? Demandez-leur, si jamais ils le font. Je ne me rappelle pas l'avoir vu, mais s'ils le font, demandez-leur. Ils demandent alors pourquoi tourner les mains vers les cieux, si bah qu'ils le fassent vers le sol alors. Si vraiment ils ne croient pas que Allah n'est pas dans les cieux, qu'ils le fassent vers le sol, Inch'Allah. Si vraiment ils sont sous la certitude de leur affaire. Et on pourra en dire long encore. Et parmi leurs tanakhudat, leurs contradictions, qui disent que Allah existe et qu'il est présent. Qu'est-ce qu'on leur dit, nous? La création, par exemple, l'homme, il existe aussi. L'homme existe. Donc, comment on fait là maintenant pour différencier entre l'existence d'Allah et celle de sa création? Le mot est le même. D'accord? Le sens est le même. Mais le comment est ignoré. Donc, c'est pareil pour ce qui est de la main, pour ce qui pourrait être du pied, pour ce qui pourrait être des yeux. De tous les attributs d'Allah, les mots sont les mêmes. Le sens est le même. Et une approche, mais le comment, on n'a pas à le connaître. Car Allah ne ressemble pas à sa création. Naam. Et quand tu te retrouves à renier un attribut avec leurs règles, alors tu vas tous les renier. Et que contrairement à cela, si jamais tu reconnais un, alors tu dois tous les reconnaître. Qu'il s'agisse des attributs et des noms. Hein? Des plus beaux noms. Également, ils rejettent le fait que Allah puisse descendre. Et l'imam Bukhari, rahmatullah alayhi, rapporte selon Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Yanziru Rabbuna tabaraka wa ta'ala, kula laylatin ila samai dunya, hina yabqa thuluth al-layl al-akhir. فيقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسألوني فأعطيه ومن يستغفر لي فأغفر له. Il dit que notre Seigneur descend aux cieux de la c'est-à-dire de ce bas monde au dernier tiers de la nuit, chaque nuit, et qu'il dit qui m'invoque afin que je l'exauce, et qui me demande afin que je lui donne, et qui me demande pardon afin que je lui pardonne. Et ce hadith est authentique. Et eux, bien sûr, ils le rejettent. Et de là, ils ont rendu Cheikh al-Islam Taymiyyah, rahmatullah alayhi, mécréant, du fait qu'il a été rapporté de façon mensongère de lui, qu'il ait dit, sur le minbar, que Allah subhanahu wa ta'ala descend aux cieux de la terre, tout comme moi je descends sur le minbar, et se met à descendre les marches du minbar. Cette parole-là lui a été imputée par un homme, j'ai oublié le nom, et lorsqu'il fut interrogé sur la date de cette parole, c'était une date qui coïncidait avec le fait que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah était en prison. Ce qui montra que cela était un mensonge. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah n'a jamais dit cela. Il n'a jamais dit cela, il n'a jamais agi de la sorte. Mais il est connu pour avoir, pour être parmi les plus grands adeptes de la vraie croyance. Ses livres sont des références incontournables pour qui veut connaître les égarements des sectes déviés, comme les Jahmiya, ou comme les Mu'tazila, Ash'ariya et tout autre que ceux à qui s'apparentent également cette secte des Arbesh, car ils se disent Ash'ariya. Eux-mêmes le disent de leur propre langue, ils se disent Ash'ariya. Naam. Et également, Cheikh l'Islam n'est pas le seul qu'ils ont rendu mécréant. Tout imam de la Sunna a été rendu mécréant. Hein, en disant qu'ils attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala la ressemblance à sa créature. Comme par exemple, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab Nejdi, l'auteur de Kitab Tawhid. Hein, et de là, d'ailleurs, ils appellent les salafis al-Wahhabi. Hein, al-Wahhabiya. Ça c'est connu. Il n'y a pas que qui font ça. C'est connu chez les gens de la Bida que les gens de la Sunna, les vrais, hein, parce que tout le monde aujourd'hui s'appelle John de la Sunna. Seulement, il y a les authentiques et ceux qui sont les faux, ceux qui s'attribuent à ce groupe, mais n'en font pas partie. Donc eux, ils qualifient les salafis comme étant des wahhabites. Hein, comme étant des wahhabites. Et rendent mécréants également Cheikh Ben Baz, Cheikh El Albani, Cheikh Othaymine, tous les savants de la Sunna contemporains, du fait qu'ils sont pour eux des mujassima, des gens anthropomorphistes, comme on dit. Naam. Donc ces gens-là, également, parmi leurs prétentions, ils disent les quatre imams. Hein, l'imam Ahmed, l'imam Malik, Shafi'i, ou Abu Hanifa, rahmatullah alayhim jami'an. On leur dit, ne connaissez-vous pas ce fameux récit authentique rapporté par Dalimi, hein, et Sabouni et autres que, sur sa fameuse parole de l'imam Malik, rahmatullah alayhim, lorsqu'un homme dans son assise l'interrogea à propos du comment de l'estiwa, que Allah s'établit sur son trône. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit l'estiwa, hein, l'estiwa, Réel et majhoul. Ou al-kaif, réel ma'koul. Ou al-iman bi wajib. Ou al-juhud bi kuf. Ou al-swalu anhu bida'a. Fakhrouj wa ma raka il est mubtadi'a. Hein, qu'il dit que l'istiwa est une chose qui n'est pas méconnue. Le sens. Et que le comment est une chose inconcevable. Et que la foi en cela est obligatoire. Et le fait de le rejeter est de la mécréance. Et que le fait de questionner à son sujet cela est une innovation, de la bida'a. Il lui a dit, sors de là, car je ne vois que tu n'es qu'un innovateur. Donc, eux prétendent suivre l'imam Malik. Cette parole-là, comment ont-ils fait? Allah a'lam. Également, ce qui a été rapporté par l'imam Abu Hanifa. Comme on dit imam, on dit par habitude. Lorsqu'il dit dans Al-Fiqh al-Akbar, dans son livre, il dit, à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَهُ يَدٌ وَوَجْهٌ وَنَفْسٌ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ فَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ الْوَجْهِ واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف ولا يقال أن يده قدرته ونعمته وفن لأن في إبطال الصفات وهذا وقول أهل القدر والاعتزال ولكن يده صفته بلا كيف وغضبه ورضاه صفتان من صفات الله تعالى بلا كيف. Donc il dit Abu Hanifa que Allah il a une main, un visage et un nefs. Je sais pas comment traduire un nefs, si on dirait âme ou souffle de vie. Après, en tout cas, nefs, naam. Que Allah l'a dit, yani, s'est affirmé cela de lui-même. Dans le Coran. Et que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé dans le Coran, comme ce visage, cette main, ce nefs, hein, que cela sont des attributs qui n'ont pas de comment connu auprès de nous. Donc, qu'il ne faut pas dire que sa main, c'est sa capacité. Ou que cela est son bienfait. Car cela amènerait à annuler ses attributs. Et que cela est le madhhab des gens du Qadar, le Qadariya. Des gens de l'Irtizel, les Mu'tazila, et ainsi de suite. Et que sa colère et son agrément sont deux attributs, parmi ces attributs, qui n'ont pas de comment concevable pour la création. Tout cela du fait qu'ils font passer leur raison devant des textes, comme ils le disent eux-mêmes, que ceux qui ne s'accordent pas à leur raison, ils se voient dans le droit de le rejeter, ou de l'interpréter du fait qu'ils basent leur affection sur la science du kalam, de la philosophie, comme les Ash'ariya. Ils ne connaissent pas cette fameuse parole de l'imam Shafi'i, au sujet de la science du kalam, lorsqu'il dit Hukmi ala ahl kalam, an yudrabu bil jarid, ou bil ni'al, ou yutafu bihim fil aswaq, ou yukalu hada jazaw man taraka al kitab wa sunnah, ou akbala ala ilm al kalam. Donc il dit, l'imam Shafi'i, rahmatullah alayhi, que mon jugement par rapport aux gens du kalam, de la parole, de la philosophie, c'est qu'on les frappe avec des feuilles de palmier, ou avec des chaussures, des sandales, et qu'on tourne avec eux dans les marchés, dans les lieux publics, et que l'on dise, voici la rétribution de ceux qui auront délaissé le livre et la sunna pour se consacrer à la science du kalam. Naam. Donc en réalité, ces gens-là, ce sont eux, les mumassila, les mushabbiha, les mukayyifa, car ils n'ont pas supprimé les attributs d'Allah si ce n'est du fait qu'ils ont tout d'abord imaginé dans leur tête, dans leur esprit, qu'ils ont cherché à comment et ont vu qu'ils étaient comme celle de la créature pour pouvoir ensuite les annuler. Donc eux, ils ont fait cela. Ils ont fait ressembler à Allah sa créature. Et ensuite, comme cela les a effrayés, hein, ils ont fait quoi? Bah, Allah, il n'a pas de main. Allah, il n'a pas de visage, ni ceci, ni cela. Voilà ce qui les a fait tomber dans cet engrenage. Et comme il a été dit, les Mujassima, anthropomorphistes, eux, ils adorent une idole. Car ils ont donné une forme à Allah qui n'est pas la sienne. Une forme de sa créature. Donc ils adorent une idole. Et le Mu'attila, ceux qui annulent les attributs, eux, ils adorent le néant. Car ils ont, eux, dénué Allah de tous ses attributs. Pour eux, Allah n'a pas d'attribut, n'a pas de descriptif, n'a rien du tout. Hein? Allah, c'est le néant pour eux. Et comme il est connu, il n'existe pas de chose sans qu'elle n'ait d'attribut. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, lui-même est une chose. Comme il dit dans son livre, وَيُوشَيْ أَكْبَرُ شَهَادَ قُلِ اللَّهِ. Et quelle chose est le plus grand témoignage? Dit Allah. Naam. D'autres preuves sont venues sur cela. Voilà ce que la raison saine conçoit. Cependant, nous ne sommes pas obligés de pouvoir décrire ou d'imaginer le comment de ce que l'on n'a jamais vu. Et certains attributs ne sont cités qu'en guise d'approche pour cerner le sens afin que cette raison puisse comprendre le discours qui lui est désigné, qui lui est tourné. Allah n'a-t-il pas créé le feu de l'enfer? Il l'a nommé feu. Et pourtant, il diffère totalement du feu de ce bas monde. N'a-t-il pas dit à son sujet? Bel kazzabu bissa'ah wa atadna biman kazzaba bissa'ati sa'ira. Izarat ra'adhum min makan ba'id sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Donc il dit dans le sens, mais non, ils ont plutôt qualifié l'heure de mensonge. Nous avons cependant préparé pour quiconque qualifie l'heure de mensonge une flamme brûlante. Hein? Lorsque de loin elle les voit, la flamme, hein? Ils entendront sa fureur et ses pétiments. Donc Allah l'a appelé flamme. Hein, le feu. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'elle voit. Hein, cette flamme voit. Est-ce que nous connaissons le sens de la vision? Naam. Non, bien entendu. Est-ce que nous savons ce que ça veut dire le feu? Naam. Nous est-il concevable de pouvoir savoir comment le feu peut-il voir? On ne peut pas le voir. Le kayf, le comment, cela n'est pas concevable pour nous. Naam. Et également, Allah, subhanahu wa ta'ala, dit de ce feu qu'il est noir. Un feu noir. La couleur noire, elle est connue. Et le feu est connu. Est-ce qu'on peut s'imaginer, maintenant là, un feu noir et sans lumière? Cela existe. Mais cela, pour nous, n'est pas concevable. Également, pour le paradis. Allah nous a décrit, dans plus d'un verset, ce qui s'y trouve, comme bienfait et délice. Et malgré cela, il dit dans un hadith Qudsi rapporté par l'imam muslim sur Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قبل بشر. Qu'il dit qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala préparé pour ses pieux serviteurs au paradis ce que nul œil n'a jamais vu et nulle oreille n'a jamais entendu et ce qu'aucun esprit n'a pu concevoir. Et cela fait partie de la foi en l'invisible, ce qui est parmi les caractéristiques des gens de la foi, des croyants, hein, qui croient en ce qui est descendu sur Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Comme quand l'État Allah, alif la mim, zalika kitab la raiba fih, ou dan lil muttaqin, allazina yu'minuna bil ghaib, ou yuqimuna salah, ou mimma razaqnahum yunfiqun. Al-aya. Hein, alif la mim, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Une guidée pour les pieux, qui croient à l'invisible, et accomplissent leur salat, et dépensent, hein, de ce que nous leur avons attribué. Et il est certain qu'Allah nous a doté d'une raison. Et celle-ci est assujettie et conçue pour accepter les textes religieux authentiques et non le contraire, comme le font ces arbèches. Si nos compréhensions divergent sur un texte, alors, quel est donc le point de retour? Quelle est la raison référentielle pour les humains et les djinns, vu qu'Allah nous a ordonné de nous unir et ne pas diverger? Wa'tasimu bihablillahi jami'an, wa la tafarraqu. Hein? Et comprenez-vous tous ensemble, au habl, c'est-à-dire la religion d'Allah, et ne soyez pas divisés. N'est-ce pas celle des messagers, sur qui est descendue la révélation, qui sont les plus savants des hommes? Et la voix que suit cette secte n'est sûrement pas celle des messagers. Car celui qui ne suit pas la voix de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'égare de la voix de tous les messagers. Car leur religion et leur dogme n'étaient qu'un, bien que le rite pouvait différer. Le fait de démentir un seul messager équivaut à tout se démentir. Comme à Qala ta'ala, Kazabat kominu hin mursalin, hein, que le peuple de Nour ont démenti les messagers. Alors qu'il est connu que Nour, alayhi salam, fut le premier messager aux gens de la terre. Allah employa pourtant le pluriel en disant El Mursalin, les envoyés. Ce qui prouve qu'en le démentant, ils ont démenti tous les messagers jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Comme l'a rapporté Al-Bukhari, sur Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna ma'ashir anbiya dinuna wahid. Nous, les prophètes, notre religion n'est qu'une. Donc telle est la voix des croyants. Et quiconque s'en détourne se voit sous la menace d'un châtiment dur. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يشكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. Et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui a apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et nous le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Pour terminer, nous disons en cette heure où les gens ne savent plus qui suivre, hein, n'arrivent plus à distinguer le vrai du faux, qui ment, qui dit la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'ils étaient les meilleurs de cette communauté, ceux qui ont le mieux compris les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ont les mieux assimilés, qui n'ont jamais divergé quant au nom et attribut, car la chose était claire pour eux. Hein, car cela leur a été révélé dans leur langue maternelle. Hein, dans leur langue maternelle. Car il fut rapporté dans les deux authentiques, selon Ibn Mas'ud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Khairun nas qarni, thumma allazina yalunahum, thumma allazina yalunahum. Que le meilleur des siècles, c'est le mien. Après, ceux qui suivent et ensuite ceux qui suivent. C'est-à-dire les premières générations. Hein, premières générations. Donc, attendez. Et l'imam Abu Daoud et autres que lui ont rapporté selon Erbad Nisariya que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qala usikum bi taqwallah wa sam wa ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abdun fa innahu man sa'ishu minkum fa sayara ikhtilafan katira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin wa ruddu 'alayya bi nawajiz wa iyyakum mudafat al-umur fa kullu bidatin dalalah. Il leur dit, je vous exhorte à l'obéissance, plutôt à la crainte d'Allah, à la piété, et à l'obéissance et à l'écoute, même si vous étiez sous le commandement d'un esclave. Car ceux d'entre vous qui vivront, verront certainement de nombreux désaccords. Alors accrochez-vous à ma sunna et à celle des califes bien guidés et droits, et mordez-y avec les molaires, et prenez garde aux choses nouvelles, car toute innovation est égarement. Donc je finis à... sur ces paroles, par ce fameux hadith, qu'il s'agisse de cette secte égarée qui s'en prend à l'islam de façon générale, ou aux imposteurs revêtus de l'habit de la salafia, tentant de s'en prendre à elle de l'intérieur, en diffamant, en toute impunité, ses représentants. Ce fameux hadith, rapporté par l'imam muslim, selon Thawban, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin ala al-haq, la yadurruhum man khazalahum » حَتَّى يَتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ. Donc il dit qu'un groupe de ma communauté ne cessera d'être apparent sur la vérité et qu'ils ne seront point offensés ou ce qu'ils abandonnent ne leur nuiront point jusqu'à ce que l'ordre d'Allah apparaisse et qu'ils restent sur cela. فَبِيَدَ الْقَدْرِ نَكْتَفِي وَنَكُلْ سُبْحَانَكَ لَوْمَا وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.